J'ai grande fermée, la bouche ouverte, toute une chacune de mes pensées qui vit reclose à l'intérieur. Je suis Jean qui suis en parlant. J'ai vécu sans résultat. Auparavant, on justifiait l'utilité sociale du théâtre en disant le théâtre est un médium populaire. Ensuite, on a dit c'est un message, il véhicule un message politique ou social. Moi, je crois que ce qui est la spécificité qu'on ne peut pas enlever au théâtre, c'est le fait qu'il soit vivant. Robert Paget, vous êtes ici pour un hommage que le Festival d'Avignon vous rend cette année. Vous avez dit, on a l'impression que c'est un hommage posthume. Alors je suis très étonnée parce que je vous trouve drôlement vivant. Pourquoi ? Parce que ! Pourquoi ? Parce que ! Monsieur Christophe, vous avez pris vos cachets ? Oui, oui, oui. Le rouge et le bleu. D'un seul coup, du jour au lendemain, j'ai perdu ma situation, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, et je me suis retrouvé tout seul à l'hôpital abandonné. Larry's not with us anymore. He went on, you know. Yeah. Yeah. He bit the big one. Yeah. Well, he's got his own little piece ahead. 4B, 4D, 4B, 4B, 4B. We'll be right back. B4B. 90.4 à Mel, 101.4 à Niort, radio des 4B.asso.fr, partout ailleurs. With tes oreilles. Ben oui. Yeah. C'est plus à quoi te fier. Je rectifie ta fierté, tox, je te coûte de rond. Le coût de mon son, tout ce qu'on porte-monnaie. Je suis subventionné par l'État français pour que tu te la foutes et que t'oublies. Le week-end passe aussi, tu retournes bosser. Brosser les ponts de tes bosses, manger tes haricots d'aussi. On endosse les rôles à merveille, tous sur le banc de touche. Sous notre dossard, tous couchés devant le genre art. T'as réellement besoin de quoi, hein? Je suis ta morphine, goûte-moi soldat. De bonne qualité, mais tes primes font tes fausses joies. On fonce dans le tard, suivant nos désirs comme des bêtas. Et je m'étale dans ton plexus solaire, calme ta crise de nerfs quand tu fais le plein de ta Lexus ou ta R5, excuse. T'as peut-être même un Solex, mais j'ai des goûts de luxe. On diffuse la substance que tu réclames et tu danses dessus, v'là le programme. Pas de faux pas, t'avises pas de faire le malin. Ou bien les matraques tombent sur ton crâne tant que tu restes sage. Y'a pas de colombes que des opiumans. On est les guignols sans cravate qui t'intoxiquent. Ton spectacle d'agneau là pour qu'il n'y ait pas de hic. Un rouage de plus, y'a plus rien que tu revendiques. On est les 40 des bons consommateurs frénétiques. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. Notre métier te rendra gros. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. V'là les rigolos, le mirage dans ton cachot. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. Notre métier te rendra gros. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. V'là les rigolos, le mirage dans ton cachot. Utilisez mon pif tranquille, plisse les yeux si t'es ne veux pas voir l'aspect mercantile. J'empile de subtiles phrases débiles pour que tu files acheter nos slips au merchandising. T'inquiète, t'es pas le seul, on a nos propres addictions, nos propres kiffs, nos propres évasions, nos profs dans le son. Hey, songe seulement au silence et qu'en ferait-il si plus personne n'avait sa dose dans la panse, hein. Il est si facile de s'évader, mais le vide te rattrape vite fait, ça nous fout le vertige. Impossible de rester 5 minutes sans cliquer pour mater un clip sans tweeter pour donner un style. On remplit tous les plans, les moments embêtant quand les anges passent, quand tu comptes les mouches, quand rien ne se passe. C'est quand tu touches de près le gouffre, surtout écoute bien. T'entendras sûrement l'écho d'un truc louche. Genre morphine, t'as la dalle, t'as les gros. Notre métier te rendra gros. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. V'là les rigolos, le mirage dans ton cachot. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. Notre métier te rendra gros. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. V'là les rigolos, le mirage dans ton cachot. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. Notre métier te rendra gros. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. V'là les rigolos, le mirage dans ton cachot. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. Notre métier te rendra gros. Morphine, t'as la dalle, t'as les gros. V'là les rigolos, le mirage dans ton cachot. Morphine. Ouais, allô, ça va, c'est moi. La forme. Ouais, dis-moi, je t'appelle, là, y'a moyen que tu fasses quelque chose, vite fait. Ah, je sais pas, t'as vu, c'est un peu tendu en ce moment. Ouais, mais enfin, je t'appelle souvent, je viens souvent te voir, vas-y, fais chose qu'elle. Ouais, raconte-moi, y'a que je te pande, t'as vu. Mais c'est de la bonne ou bien? Ah, putain, tu pourrais pas être un peu plus crête. Non, mais là, il m'en fout, là, je prends pas tant, tu m'en fous. Ah, là, il m'en fout, les amis. On balance la bonne cam sous le saphir. Tu trouves ça fort, on va pas se laisser faire. Prêt à rouler sans phare, toutes les censures piquent son phare. Une dose devrait suffire, on s'arrange pour toujours lourder. La bonne cam sous le saphir. C'est le retour des soifards, impossible de s'enfuir. C'est quoi ce produit qui est si fort? L'Africain il est sans fou. Ça chauffe comme dans un four. Ça glace comme le zéphyr, on s'arrange pour toujours lourder. La bonne cam sous le saphir. On balance la bonne cam sous le saphir. Boé. On balance la bonne cam sous le saphir. Faut que tu trouves ça fort, tu dis y'a que ça à faire. Que de piter tes enfants, et se blinder la gueule d'en fait. Vendre son âme à Lucifer, c'est que le début d'une longue descente aux enfers. D'abord on te fait un cadeau, comme qui dirait on arrose. Quand tu quittes pas la race, tu reviens prêt à me sucer pour ta dose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, on te donne dans le bourrin. Grave des galettes trop fat pour le collier de ton pitbull. Qui te font l'effet du speedball, va pas me dire que t'as pas de bol. Surtout te fais pas de bille, t'en auras jamais ras-le-bol. Écoute pas tous ces mongols, ces potes qui font leur bégueule, qui te disent. Écoute le swing, t'as une sale gueule, sale guerre avec les flics qui rêvent, serrer notre sampleur. LSD sur disquette qui remplit le congélateur. La cam blime, K2, un filtre, le vinyle dans le saphir. Tout le monde jacte des cris, j'en veux. Veulent tous être prime, soudeuse pour l'overdose. Obligé de faire la queue pour ton diqueuse de swing. Je refourgue les scuds, les mecs consomment en squat. Cours dans les fnac, en banque, trempe les bacs, leur main moite. On est sur écoute, chez les stupés, les disquaires. Là où ça sent, tu pressionnes comme des pieds de feu. Y'a pas de substitut à sub qui tue. Sûrement pas coupé comme une drogue de cours d'école qui pue. Programme comme un druide pour mon public de droïdes. La zik aussi cyclique des hémorroïdes. Extra strong, pire que la corticoïde. L'enzyme trompe, tu me rappelle toutes les heures comme un craquette dans le bronze. Juste une écoute, t'es un croc, faut te refaire un shoot. Gratte tes croûtes intraveineuses d'infrabasses graisseuses. Coupe à basique vénéneuse, non, vénéné. Je livre la pure en petite coupure, les mecs saignent à plein nez. Non mais là, attends, là ça va pas du tout. Je me sens super pas bien, là il est trop fort ton truc. Ah, je t'avais dit que ça blagotait pas le machin, c'est la qualité. Là je suis mal. On balance la bonne cam sous le saphir. Que tu trouves ça fort, on va pas se laisser faire. Prêt à rouler sans phare, nos glaçons sur pisson phare. Une dose devrait suffire, on s'arrange pour toujours monter. La bonne cam sous le saphir. C'est le retour des soifards, impossible de s'enfuir. C'est quoi ce produit qui est si fort? La flicarine est sans four, ça chauffe comme dans un four. Ça glace comme le zéphyr, on s'arrange pour toujours monter. La bonne cam sous le saphir. On balance la bonne cam sous le saphir. Tu veux du crack, achète mon disque. Tu veux que je reste pour que je squatte. Cuisine au bicarbonate. Faire tourner le vinyle ou le compact, c'est comme taper de la bonne numéro 4. Et je suis tricard par les coilles en tant que grossiste de son qu'éclate. D'après une claque à une de nos dates, comme un trip trop fort, c'est rien. On t'attromate au micro au point. Et quand y'a un nouvel arrivage, mes fans comme des enragés nous gratent tout en MP3 comme des carrés. Se balader avec le scut dans le sac, c'est comme se déplacer avec 100 lèches dans le froc. C'est tendu, tellement c'est tendancieux. Comme si fait du site, un truc vraiment trop controversé. C'est l'antithèse du son des rockers. Un truc qui te fait saigner des oreilles comme sous poppers. Boy. Violer les feutrines avec de la drogue dure, de la pure cam sous le saphir qui va se brûler les têtes de lecture. On vend du rêve, plaisir brut qui fait que tu crois que ce truc t'aide, mais au bout de trois écoutes c'est crève. Comme si copiant Marilyn, tu t'injectais à l'aide d'une poire avec comme ce nectar qui retourne sur plusieurs hectares. Qui t'explose les yeux, évite les frappes de conjonctivite. Fais-toi un garrot et mestis qui va t'éjecter vite. Sous une autre latitude, un truc de malade. J'peux pas vraiment dire où avec exactitude. En tout cas t'as la certitude que c'est pas de l'insecticide. Garantie tu sais que t'as que du bon son et des textes acides. Ecstasy sur vente, crise de manque, mal aux artères. En train de chercher le dernier morceau de mon scud à quatre pattes par terre. Accroché à la gouttière, en train de s'égosiller comme Arthur Lan. Mais rush et la rush et bande d'enculés. On balance la bonne cam sous le saphir. Que tu trouves ça fort, on va pas se laisser faire. Prêt à rouler sans phare, la sort sur pisson phare. Une dose devrait suffire, on s'arrange pour toujours monter. La bonne cam sous le saphir. C'est le retour des soifards, impossible de s'enfuir. C'est quoi ce produit qui est si fort? La flicarine est sans four, ça chauffe comme dans un four. Ça glace comme le zéphyr, on s'arrange pour toujours monter. La bonne cam sous le saphir. On balance la bonne cam sous le saphir. Boy. Thank you. C'est les clés à Tam Tam qui restaient toute la nuit pour enregistrer, balancer sur l'Europe entière des émissions, des interviews, des annonces. Et c'était beau. Jérôme, ça ravit. Ça ravit, oui, ça ravit le public. J'ai beaucoup ri. Pas aimé du tout. J'ai dansé. Taraf. Christophe Salingro, dans Tritonde de Couflet, vous êtes un petit peu le manche à balai qui fait tourner tout le monde. Le manche à balai qui fait tourner tout le monde, c'est quoi comme expression? Ça veut dire quoi? Ça danse bien et tout. Ouais. Alors j'ai retrouvé Avignon. C'est une grande fête, c'est une grande foire. Elle a un mérite. Elle est vivante. C'est pas vrai, j'en touche des choses incroyables. Droite à fond sur gauche à fond. Gauche à fond. Panique sur la Charente. Marginal. Moi j'étais catalogué, c'est très marrant parce que comme étant un dessinateur à l'acide, et tous les fous qui prenaient de l'acide à travers la planète, s'éclataient la tronche avec mes albums en disant « Ah Truyer, oui putain, tous tes livres, ah tu en prends aussi, je m'éclate !» Non, quoi, non, bah non. Quand j'ai fait l'Unslow, je filmais quelques joints et encore, puis je marchais la canette de bière. Cut. Tac, tac, tac, tac. Ouais, vite. Mais c'est Toupin, ce brave Toupin. et le silence. Enfin. Et le silence. Enfin. Voilà.